Exercice 4, page 140. Tata, tonton, tatoué, tête. Dodo, dedans. Didier, dinde. Tendu, étudié, entendu, tiède. Détail, douteux, endetté, date.